Violette fanée par André Theuriet. Le peintre Étienne Miller était arrivé tard à la célébrité. Fils de paysan, poussé vers Paris par un irrésistible désir, il était entré à l'école des Beaux-Arts avec une pension de 800 francs que lui servait le conseil général de son département. Bien qu'il fût doué d'un talent sincère, robuste et original, peut-être même à cause de tout cela, il n'était point parvenu à décrocher le prix de Rome et n'ayant point passé par la Villa Médicis, il avait vécu en dehors des coteries et des camaraderies qui se forment là-bas. Enfermé dans son atelier solitaire, il travaillait d'arrache-pied, donnant des leçons de dessin pour gagner le pain quotidien, et exposait chaque année des tableaux qui ne tiraient pas l'œil et que les critiques du salon signalaient à peine. Il ne se décourageait pas néanmoins, ne sacrifiait ni à la convention ni à la mode, et avec sa ténacité paysanne, continuait de peindre de son mieux les sites et les gens familiers à son enfance. Ses toiles avaient une couleur et un goût très personnels. Elles étaient imprégnées d'une forte saveur de terroir. Malheureusement, le goût du public n'était pas tourné vers ce côté-là. On reprochait à Miller de manquer de modernité, et les marchands de tableaux ignoraient le chemin de son atelier. Il avait doublé le cap de la quarantaine quand il obtint enfin un gros succès avec sa rentrée des avoines en septembre. Alors, brusquement, il profita d'une capricieuse saute de vent. La vogue alla vers sa peinture. Chaque salon vit désormais croître sa notoriété. On ne lui marchanda plus les médailles et tout lui arriva du même coup, les commandes productives et la croix de la Légion d'honneur. Il ne fut ni ébloui ni grisé par cette gloire tard venue, qu'il accueillit avec un placide contentement. Il y a en effet des jouissances dont on ne goûte tout le suc et l'enivrement que lorsqu'elles vous sont données dans le plein de la jeunesse. À 28 ans, on est heureux d'avoir un nom connu de tout Paris, ou de nouer à sa boutonnière un ruban rouge qui flatte la vanité et achève la conquête de la femme qu'on désire. Mais à 50 ans, la sève s'attiédit, les nerfs s'apaisent, les désirs s'assoupissent, et toutes ces satisfactions d'amour-propre ne touchent que médiocrement. Elles font l'effet d'un plat trop longtemps attendu, qui arrive sur la table lorsqu'on est au dessert et que l'estomac n'a plus d'appétit. Étienne Miller, trop absorbé par les prosaïques péripéties de la lutte pour l'existence, n'avait pas eu de jeunesse, et maintenant, le succès ne lui causait qu'une joie toute platonique, gâté par le regret de n'avoir pu en jouir à l'âge où son cœur sevrait d'amour, battait au passage d'une jolie femme, et où il avait si bonne envie de mordre à la grappe du plaisir défendu. À 50 ans, il était encore robuste et bien campé sur ses hanches, mais sa barbe blanchissait, ses cheveux s'éclaircissaient, ses yeux bleus finement observateurs se voilaient d'une brume mélancolique et lorsqu'il souriait, c'était un ironique sourire désabusé qui éclairait un moment son teint brouillé et ses lèvres pâlies. Pendant l'automne de 1880 et quelques, de trop assidues stations dans les bois humides des Ardennes où il peignait en plein air, compromirent sérieusement sa santé, et une bronchite aiguë se chargea de lui démontrer qu'il avait passé le temps où l'on peut impunément piocher des motifs de paysage parmi le thym et la rosée. Son médecin lui conseilla de prendre du repos et d'aller soigner sa convalescence dans le midi, de sorte qu'un beau soir de janvier, Miller, qui avait quitté Paris la veille par un froid noir, débarqua à Nice avec les dernières rougeurs du soleil couchant. Ses études et ses goûts l'ayant toujours attiré de préférence vers les provinces de l'Est, Miller n'avait jamais vu le littoral de la Méditerranée. Aussi, la première semaine de son séjour à Nice fut-elle un joyeux éblouissement. La cristalline limpidité de l'air parfumé par les eucalyptus, les chauds après-midi de soleil, la lumière argentée glissant comme une caresse sur les collines d'orangers et d'oliviers, la mer bleue venant mourir avec un bruissement soyeux sur les molles découpures de la côte, les brassées d'anémones et de roses jonchant les étalages des fleuristes, toute cette féerie du midi lui monta à la tête, lui mit au cœur et dans les poumons comme un renouveau de sève et de vitalité. Il était depuis 8 jours sur le littoral quand un matin le courrier lui apporta une lettre dont l'enveloppe timbrée d'une couronne comtale et dégageant une suave odeur féminine l'intrigua. Son nom ayant figuré sur les listes d'étrangers publiées par les journaux du cru, il ne pouvait s'étonner que son adresse fût connue. Pourtant, comme il désirait vivre ignoré à Nice, ce fut avec un mélange de curiosité et de mauvaise humeur qu'il rompit le cachet. L'enveloppe contenait une invitation à une fête de jour, donnée à la villa Endymion par une grande dame de la colonie étrangère, et à cette carte d'invitation était joint le billet suivant. Si M. Étienne Miller désire renouer connaissance avec une ancienne amie, celle-ci sera très heureuse de le rencontrer à la villa Endymion. Elle juge inutile de lui donner d'autres éclaircissements, étant curieuse de savoir s'il la reconnaîtra après un long intervalle de 25 années. Comtesse Julie Sorpello. Étienne, surpris, fouillait vainement dans sa mémoire. Le nom de famille de cette comtesse ne lui apprenait rien. Le prénom même ne le mettait sur la trace d'aucun point de repère. Julie. Il avait connu plusieurs Julie, à l'époque où il donnait des leçons. Il relut le billet. La forme de l'écriture allongée et fine avait pourtant quelque chose de déjà vu, et il lui semblait avoir respiré quelque part le parfum à la fois léger et pénétrant qui émanait de l'enveloppe. Tout à coup, comme au toucher d'une magique baguette évocatrice, une case de son cerveau se rouvrit, et il revit distinctement l'escalier de marbre d'une maison de la rue d'Aumale, où il allait donner des leçons d'aquarelle à la jeune femme d'un banquier. Il se revit lui-même, à 25 ans, montant cet escalier recouvert d'un tapis de Smyrne à fleurs bleues et entrant dans le salon de travail tendu de drap gris où l'attendait son élève. Elle avait 23 ans, elle était blonde, mince, avec des traits délicats, de vifs yeux noirs et un teint très blanc. Alors, tout un ensemble de détails, longtemps à demi oubliés, se précisa dans son esprit. Les après-midi d'hiver où il venait, 2 fois par semaine, dans ce salon, la lampe, de forme antique, posée sur un piédestal de bronze, éclairant, d'une clarté tranquille, les jardinières pleines de violettes et d'azalées. Le piano à queue dans un angle, quelques études accrochées au mur, et sur la cheminée, un grand buste de marbre blanc représentant une Judith. L'élégante et séduisante jeune femme à laquelle il avait donné des leçons ressuscita très nettement devant ses yeux. Elle s'appelait en effet Julie, mais son mari ne se nommait pas Sorpello. La signature du billet était-elle la même personne que l'élève de la rue d'Aumale, et en ce cas, quelle métamorphose avait-elle subie en cet intervalle de 25 ans? La curiosité de Miller était vivement excitée et au jour indiqué, il se fit conduire à la villa Endymion. Cette villa Endymion est située en dehors de la ville, non loin de la mer, sur le versant d'une de ces rondes collines formant les premiers gradins de l'adorable cirque de montagne qui fait à Nice une ceinture de beauté. Dès qu'un laquais eut jeté d'une voix sonore le nom d'Étienne Miller à l'entrée du premier salon, et que le peintre répondit au compliment de bienvenue de la maîtresse du logis, il se hâta, non sans une sourde émotion, de descendre dans les jardins où déjà se répandaient les invités. Le temps était à souhait. Un ciel d'azur immaculé, un soleil de printemps baignant la blanche colonnade de la villa, dans son encadrement de palmiers et de citronniers, et illuminant les terrasses à balcons de marbre dont l'on voyait la baie des Anges s'étendre bleue et mouvante avec des chatoiements de saphir depuis la pointe d'Antibes jusqu'au cap Saint-Hospice. Des jeux de croquet et de lawn tennis s'organisaient sur les pelouses. Au milieu de buissons de rosiers en fleurs, un orchestre de mandolinistes jouait des airs napolitains. Tout autour, par groupe ou par couple, les invités se promenaient. Les dames en claire toilette d'avril, les hommes en par-dessus légers et chapeaux ronds. Miller remarqua que cette société cosmopolite se divisait en 2 catégories, les gens qui étaient franchement jeunes et ceux qui s'efforçaient de le paraître. Au milieu de cette nature qui ne connaît pas l'hiver, tout ce monde semblait tourmenté du besoin de ne point avoir l'air de vieillir. De vieux beaux, aux moustaches teintes, redressant péniblement leur dos voûté et dégageant d'un geste plein de fatuité le parement de leur jaquette à la boutonnière fleurie, flirtaient avec des dames mûres, aux yeux peints, aux cheveux trop blonds, aux lèvres trop rouges et aux toilettes trop printanières, tandis qu'à côté, de jeunes filles russes, superbement épanouies, et de fringantes missis américaines, mêlées à des officiers en uniforme, bondissaient dans l'herbe, étalant en plein soleil l'orgueilleuse verdeur de leurs 20 ans. Étienne Miller, préoccupé de son inconnue, la cherchait involontairement dans le groupe des jeunes, quand brusquement il réfléchit que 25 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre et que maintenant elle devait appartenir à la catégorie de celles qui luttent avec plus ou moins de succès contre l'hiver survenant. Cette réflexion le refroidit et le rendit rêveur. Au moment où il faisait ce triste retour sur lui-même, il aperçut, à une certaine distance, une dame dont l'élégante toilette et la démarche juvénile attirèrent son attention. Sous la pelisse de peluche blanche, doublée de chèvres du Tibet qui l'enveloppait tout entière, elle paraissait mince, élancée et très séduisante. Elle tournait curieusement la tête à droite et à gauche, comme si elle aussi eût cherché quelqu'un. Arrivée à 20 pas en avant, elle fit volte-face et, sous la lumière assourdie, tamisée par l'ombrelle blanche dont elle s'abritait, Étienne Miller tressaillit en reconnaissant les traits délicats et le pur ovale du visage qu'il avait tant admiré jadis. C'était bien l'ancien élève de la rue d'Aumale, et dans cette toilette blanche, sous le jour moelleux du parasol de dentelle, elle semblait aussi jolie qu'autrefois. Pendant une brève minute, il eut l'illusion de sa jeunesse ressuscitée, et son cœur battit comme lorsqu'il entrait dans le salon gris, fleuri d'azalées. Il s'avança vers elle, salua et se nomma. La dame en blanc sourit et lui tendit la main. « Ainsi, dit-elle, vous m'avez reconnu. »« Certainement, répliqua-t-il, et en même temps il la regarda avec plus d'attention. Il se trouvait justement au milieu d'une allée inondée de soleil. Sous la lumière plus crue, Étienne alors remarqua la taille amaigrie de la dame, les rides du cou, apparaissant dans les interstices des savants enroulements du boa, les plis des tempes et des lèvres, les pommettes saillantes, les paupières rougies se laissant voir de près à travers la fleur de poudre discrètement arrangée. La blancheur de cygne du costume et la fraîcheur d'un bouquet de violettes passé dans la ceinture accusaient encore par le contraste cette cruelle flétrissure des années, ce prompt évanouissement de la beauté de jadis. Elle est tout de même plus changée que je n'aurais cru, songeait Étienne. Il y eut entre eux un pénible moment de silence, pendant lequel la dame en blanc se livrait peut-être aux mêmes réflexions au sujet de Miller. Puis le peintre offrit galamment le bras à son ancien élève et se promenèrent en tête à tête au bord des terrasses. D'abord, il s'entretint de la fête et des hasards qui les avaient ramenés en présence. Elle lui expliqua comment elle avait changé de nom. Son premier mari était mort. Elle avait épousé un comte italien qui l'avait rendue fort malheureuse et dont elle s'était séparée. Elle était venue à Cannes pour sa poitrine et se trouvait à Nice accidentellement. « Mais vous, ajouta-t-elle, parlons de vous. J'ai suivi avec un vif intérêt tous vos pas en avant et je suis fière d'avoir été une de vos élèves. Vous voilà un grand peintre et vous avez joliment marché depuis le temps de la rue d'Aumale. » « Oui, dit-il avec son sourire désabusé. Mais le temps aussi a marché pour moi et je donnerai volontiers beaucoup de mes succès pour avoir mes 25 ans. Ah, vous avez raison, être jeune, c'est si beau la jeunesse, soupira-t-elle en jetant un regard d'envie sur le groupe des Russes et des Américaines qui jouaient au lawn tennis. En un pays comme celui-ci, reprit-il, il faudrait être toujours jeune afin de ne pas détonner dans le paysage. Regardez comme tout cela est admirable. D'un geste de peintre, il lui montrait les rondes collines de Saint-Philippe, de Carabassel et de Cimier, avec leur verdure semée de maisons peintes, puis le cirque des montagnes aux harmonieuses lignes grecques, aux exquises couleurs lilas, et la mer où, çà et là, des voiles blanches fuyaient sur le bleu foncé de l'eau. Le soleil, déjà plus bas, jetait sur ce paysage inoubliable la magie de sa lumière éternellement jeune. L'air était imprégné d'une senteur de jacinthe et d'œillets, et au milieu de leurs buissons de roses, les mandolinistes jouaient Santa Lucia. Un enivrement alanguissait peu à peu les deux promeneurs, et un frisson de renouveau les secoua. « Cet air ne vous rappelle-t-il rien ?» demanda la comtesse, tandis que sur ses lèvres errait un sourire qui semblait revenir de très loin. « Si fait, répliqua-t-il, il me rappelle une des plus délicieuses heures de mon jeune temps. Un soir que vous m'aviez retenu à dîner après ma leçon. Votre mari nous avait quittés et nous étions restés seuls dans votre salon plein de fleurs. Vous vous étiez mis au piano et vous me jouiez des mélodies populaires italiennes. À un certain moment, votre peigne, mal assujetti, tomba. Vos magnifiques cheveux blonds se répandirent sur vos épaules, et je vois encore le geste charmant avec lequel votre main tordit et renoua ses beaux cheveux flottants. Vous n'en avez rien su, mais j'étais follement amoureux de vous, et j'étais sur le point de vous le dire à genoux, ce soir-là. » Un sourire enchanté glissa sur les lèvres et brilla dans les yeux de Julie. « Confidence pour confidence, » repartit-elle, « je m'étais fort bien aperçu que vous m'aimiez. Les femmes devinent très vite ces choses-là, et ce fameux soir, si vous aviez été moins réservé, si vous aviez osé parler, je sentais moi aussi une tendresse de cœur qui m'entraînait doucement. Je puis bien vous l'avouer aujourd'hui que notre jeunesse est loin. » Une rougeur montait aux joues amaigries de la comtesse et mettait sur son visage un rajeunissement pareil à celui que certains coups de soleil de l'arrière-saison jettent sur les verdures automnales. Elle en était comme transfigurée, Étienne la regardait avec des yeux éblouis. Pendant quelques minutes, le parfum de l'amour d'autrefois le grisa comme nous grise l'odeur amolie et pourtant capiteuse d'un bouquet de violettes fanées. En même temps, le regret troublant des choses qui auraient pu être, qui n'ont pas été et qui ne seront peut-être plus jamais, lui vint tristement aux lèvres. « Ah, madame, » murmura-t-il avec la gorge serrée, « le cœur ne vieillit pas, la grâce est toujours jeune, et je sens bien, moi, que ma tendresse d'autrefois n'est pas morte. » Pendant qu'il parlait, elle restait silencieuse, les yeux humides et perdus dans la direction de la mer bleue, où les voiles blanches fuyaient toujours. Elle interrompit soudain le peintre en lui posant sur le bras sa frêle main dégantée. « Non, mon ami, » reprit-elle en secouant la tête. « Non, à nos âges, on ne vit plus que de souvenirs. » Elle lui montra les jeunes gens qui se renvoyaient les balles de lawn tennis. « C'est à ceux-là seuls, » soupira-t-elle, « qu'il est permis de parler de l'amour et d'y croire. Ne gâtons pas la joie de cet après-midi. Et maintenant que nous nous sommes dit tout ce que nous avions à nous dire, reconduisez-moi jusqu'à ma voiture. Il est temps que je rentre. » Il lui offrit le bras de nouveau. Sans se parler, ils traversèrent les salons qui se dépeuplaient déjà, et quand la voiture arriva devant les marges du perron, Julie se retourna vers Miller. Elle le regarda longuement, affectueusement, tandis qu'une petite toux crispait ses lèvres pâlies. « Merci, » dit-elle, « merci d'être venu. Je ne sais si nous nous reverrons. » Elle détacha les violets de son corsage et les tendit à Étienne. « Tenez, » ajouta-t-elle, « gardez ce bouquet en souvenir de moi. » Elle s'élança dans le landau dont un valet de pied ferma la portière, s'enfonça à demi dans l'ombre, et l'artiste, immobile, put distinguer encore la blanche figure qui lui envoya à travers la glace un lent et pensif signe de tête. Puis la voiture descendit rapidement la rampe de la colline. Tandis qu'Étienne écoutait le bruit des roues sur le gravier, le soleil avait disparu, et le crépuscule embrunissait les collines. La nuit tombait très vite et éteignait brutalement la féerie du paysage. Le vent froid, presque glacé, qui se lève à Nice aussitôt après le soleil couché, soufflait sur la route obscure et soufflait aussi sur les dernières illusions du peintre. Il redescendit mélancoliquement vers la ville, après avoir glissé dans sa poitrine le bouquet de violettes fanées, dont le parfum amer semblait le symbole de cet amour rétrospectif, que sa jeunesse avait ignoré et qui, à un moment, avait lui sur sa maturité sans pouvoir la réchauffer. Ainsi s'achève Violette fanée par André Theuriet.